troisième acte. Du rideau, Crockson et Rascasse sont en piste. Au bras de M. Loyal est accroché l'écriteau indiquant le duel, parade. Les deux clowns ont l'air fort mélancoliques. Rascasse. C'est bien ennuyeux qu'on ne puisse pas dire haut, parce que je vous avoue, Monsieur Crockson, que je dirais haut avec beaucoup de plaisir. Nous sommes seuls, vous pourriez peut-être dire haut, Monsieur Rascasse. Même quand on est seul, faut pas dire haut, Monsieur Crockson. Vous avez raison. Vous êtes mon ami, Monsieur Crockson. Oui, monsieur. Vous m'aimez bien, Monsieur Crockson. Oui, monsieur. Alors je vais vous faire de la peine. C'est toujours comme ça quand on est des amis, monsieur Rascasse. Je vais vous faire de la peine parce que je ne suis pas heureux. Vous ne me faites pas de peine. Je suis même très content que vous ne soyez pas heureux. Vous me faites plaisir en n'étant pas heureux, parce que je me sens moins seul dans mon malheur. Rascasse, soyons pas heureux ensemble. Crockson, oh, pas ensemble, ça n'est pas possible. Mais soyons pas heureux, chacun de notre côté, en même temps. Rascasse sait ça. Il prend sa tête dans ses mains. Vous êtes pas heureux, Crockson? Je suis pas heureux. Rascasse, je n'aime pas être pas heureux. Moi non plus. Est-ce que ça vous ennuierait si j'étais heureux? Un peu, naturellement. Vous aimez mieux que nous ne soyons heureux, ni l'un ni l'autre. J'aime mieux, mais je ne suis pas un égoïste. Alors, si j'étais heureux, vous vous consoleriez. J'essaierai. Alors voilà, Monsieur Crockson, je vais être heureux. Comment ça? J'ai trouvé un truc pour Isabelle. Ah? J'ai trouvé un truc épatant. Je vais lui faire le coup de la pitié. Qu'est-ce que c'est, le coup de la pitié? Rascasse, raisonnant logiquement. Vous aimez une femme, bon. On n'aime pas une femme, on aime Isabelle. Si vous voulez. Cette femme que vous aimez, elle ne vous aime pas. Bon. Alors qu'est-ce que vous faites? Crockson, vous êtes pas heureux. Parce qu'elle s'est entendue. Et puis, vous essayez qu'elle vous aime. Bon. Crockson passionné. Bon. Parce qu'à vous, monsieur Crockson, vous faites le coup de la publicité. Il ne réussit pas. Bon. Crockson lugubre. Bon. Parce qu'elle met le coup de la pitié, il réussit. Crockson, non, si, non, si, non, si. Extraordinaire, il réussit. Oui, monsieur Crockson, il réussit parce que les femmes ont du cœur, en principe. Mais il ne réussit que si les femmes ont du cœur. Ah oui. Bon, alors, je suis bien tranquille. Alors, monsieur Crockson, je commence le coup de la pitié? Commencez! Il s'assied sur le bord de la piste. Rascasse agite une sonnette, le groom paraît. Tout est-il prêt? Oui, monsieur Rascasse. Surtout, n'ayez l'air de rien. Bien, monsieur Rascasse. Faites ça naturellement. Naturellement, monsieur Rascasse. Rascasse, oh, je suis ému. Le groom, édition spéciale! Rascasse est le plus malheureux des hommes. Personne n'a jamais été aussi malheureux que Raskas. Il n'y a qu'Isabelle pour rendre les gens aussi malheureux. Il n'y a qu'Isabelle pour rendre les gens aussi malheureux. Isabelle, qui traversait le théâtre, s'arrête intéressée. Isabelle, tiens, voilà qui est intéressant. Crockson a un geste de dépit. Isabelle, vous êtes malheureux, monsieur Raskas ? Raskas, ce n'est pas moi qui le dis. Isabelle, et c'est à cause de moi que vous êtes malheureux ? Raskas, ce n'est pas mon secret. Isabelle agacée, allez, allons, ne niez pas, voyons, c'est officiel. Raskas, c'est bien un oui, là. Isabelle, vous êtes malheureux à cause de moi ? Pourtant, vous me voyez tous les jours. Si je n'étais pas là, je comprendrais. Mais enfin, je vous regarde, je vous parle souvent. Je crois même que je vous ai souri avant-hier. Raskas qui s'énerve. Là, je ne sais pas ce qu'il faut vous répondre. Je ne veux pas dire de bêtises. Tout ce que je sais, c'est qu'officiellement, je suis le plus malheureux des hommes. Et ça, ce n'était pas facile. J'avais de la concurrence. Alors maintenant, on ne va pas venir discuter mes titres. Isabelle. Non, dites-moi seulement pourquoi vous êtes malheureux. Bah d'abord parce que je ne suis pas riche, parce que je ne suis pas joli, parce que je ne suis pas intelligent, parce que je ne suis pas bien habillé, parce que je ne suis pas spirituel, parce que je ne suis pas amusant, et surtout parce que je ne suis pas aimé. Isabella. Et au fond, c'est surtout parce que je ne suis pas aimé. Si j'étais aimé, je serais riche, je serais joli, je serais intelligent, je serais spirituel, je serais amusant, je serais même bien habillé. Isabelle, oui, peut-être. Raskas, alors vous avez pitié ? Isabelle, profondément, oh oui. Raskas, vous m'aimez ? Isabelle, oh là là, non. Plus j'ai pitié, moins je vous aime. Raskas, ok. Isabelle, il y a pourtant quelque chose que je dois vous dire. Je vous aime beaucoup quand vous n'êtes pas là. Raskas, avidement. Quand je ne suis pas là ? Isabelle, rêveusement. D'ailleurs, j'aime bien les gens quand ils ne sont pas là. Elle sort. Les absents ont tort, mais je ne comprends pas cette conclusion contradictoire. Elle va m'aimer si je ne suis plus là. Extraordinaire! Soin, soin, soin. Il y a des trucs comme ça que je n'ai jamais compris. Après les nuits blanches, les idées noires, on voit tout en rose aussitôt qu'on est gris. Extraordinaire! Soin, soin, soin. L'amour a les yeux bandés. Le bonheur les a fermés, la justice est estropiée, et c'est pourtant là ce qu'il y a de mieux au monde. Paraît que les premiers seront tous les derniers. À quoi croyez-vous que ça corresponde ? C'est pour ça qu'on perd sa vie à la gagner. Extraordinaire ! Soin, soin, soin. Crockson, je connais les données du problème. Et j'en subodore la leçon. Certains points restent obscurs quand même. Répétez-moi donc votre chanson. Les absents ont tort, mais je ne comprends pas cette conclusion contradictoire. Elle va m'aimer si je ne suis plus là. Extraordinaire. Soin, soin, soin. Il y a des trucs comme ça que je n'ai jamais compris. Après les nuits blanches, les idées noires, on voit tout en rose aussitôt qu'on est gris. Extraordinaire. Soin, soin, soin. Raskas, je sais maintenant ce qu'il faut faire. Crockson. Ah oui ? Je vais lui faire le coup de l'absence. Ça, c'est très bon. Demain ou après-demain, je vais être absent avec une force, une violence. Je vais être absent à un point incroyable. Je vais être absent comme on n'a jamais été absent jusqu'ici. Crockson, en attendant, travaillons. Oh non, travaillons. Raskas, même pour travailler, ça ne va pas. Il nous manque quelque chose. Isabelle, qui est entrée, dit très doucement, Auguste. Quoi ? Il vous manque, Auguste ? C'est un imbécile ! Il vous manque, Auguste ? Pensez-vous, avant de le connaître, nous travaillions bien tous les deux ? Vous l'avez connu, il vous manque. Crockson, c'est à vous qu'il manque. Pourquoi vous n'êtes pas venu hier soir ? Pourquoi vous n'êtes pas venu avant hier soir ? Pourquoi vous n'êtes pas venu vendredi ? Pourquoi vous n'êtes pas venu jeudi ? Pourquoi vous n'êtes pas venu mercredi ? Isabelle, je ne vous aime pas. Bon, bon, entendu, je vais vous oublier. C'est Auguste que vous aimez ? Isabelle, je le regrette, il était si doux. Raskas, si complaisant. Isabelle, si tendre. Raskas, si bien élevé. Crockson, il parlait pour ne rien dire. Isabelle, il parlait pour dire des riens. Rasca, c'était un véritable gentilhomme. Isabelle, il avait une belle âme. Rasca, c'est un bon cœur. Crockson, c'était un imbécile. Isabelle est un poète. Un imbécile et un poète. Isabelle, il parlait la langue des oiseaux. Rasca, il recevait si bien les coups de pied au cul. Crockson, c'est vrai qu'il recevait bien les coups de pied au cul. Ils se sont assis à l'avant-scène et parlent mélancoliquement. Vous avez raison, c'était un bon garçon. Isabelle si doux, Rasca si complaisant, Isabelle si tendre. Auguste dans la salle. Bravo, bravo, bravo! Rasca quoi? Bravo, bravo, bis, bis, bis! Rasca salue avec modestie et reprend. C'était un gentilhomme, si doux, si complaisant, si tendre. Bravo, bravo, vous avez un joli petit talent, monsieur. Isabelle la voit changer, Auguste. Rasca, ça, c'est Auguste. Isabelle, Auguste, c'est Dieu qui l'envoie. Pour s'en débarrasser. Isabelle, très douce, bonjour, Auguste. Bonjour, Isabelle. Bonjour, mon petit Auguste. Bonjour, ma petite Isabelle. Rascasse, bonjour mon gentil petit Auguste. Auguste, bonjour ma gentille petite Isabelle. Isabelle, ah, pourquoi êtes-vous partie? Oui, pourquoi? Pourquoi? Auguste, ben, n'est-ce pas, voilà. Pourquoi? Pourquoi? On prévient quand on part. On prévient. Rascasse, avec reproche, vous avez fait du chagrin à Isabelle. Je vous ai fait du chagrin, ma petite Isabelle? Isabelle, oui, mon petit Auguste. Auguste, je vous ai fait du chagrin, quel bonheur! Alors vous êtes contente de me revoir? Nous sommes très contents de vous revoir, bonjour! Rascasse content, bonjour! Isabelle, très gentiment, venez, si, venez, venez! Auguste, à tout de suite, il monte sur la scène. Bonjour, il baise la main d'Isabelle. Crockson, je l'avais bien dit, c'est un imbécile! Rascasse, c'est un imbécile! Crockson, à qui Auguste serre la main. Bonjour, bonjour, mettez-vous là. Il lui botte les fesses. Ne bougez pas. Il lui botte les fesses. Rasca, ça croxonne. Une seconde, je vous en prie. Une seconde. Il lui botte les fesses. Croxonne. Ah, ça va mieux. Rasca, je me sens tout à fait bien. Rasca, ça Auguste qui veut aller à Isabelle. Ne bougez pas. Jeu de scène muet. Entre deux bouffées de cigare, croxonne va botter les fesses d'Auguste. Entre deux respirations, Rasca s'agit de même. Auguste, de dos, sur un ton de prière. Je crois que le coup de pied au cul grandit l'homme. Je crois qu'un paillasse est un homme sur qui on s'essuie les pieds. Je crois que le métier veut ça. Je crois que je ne serai pas déshonoré aux yeux d'Isabelle. Il le faut, je crois. Crockson et Rasca. Travaillons. Auguste, un coussin. Crockson, qu'est-ce qu'il a dit? Auguste, allez lui chercher un coussin. Ensemble. Quoi? Quoi? Isabelle, très douce. Allez me chercher un coussin. Rascasse va sortir à Crockson qui n'a pas bougé. Vous aussi. Tous deux sortent et reviennent presque aussitôt. Ensemble. Voilà des coussins. Isabelle, délicieusement, plus loin. Allez les chercher plus loin. Mais où ça? À 5 minutes d'ici. Ils sortent définitivement après avoir lancé un mauvais regard à Auguste. Restés seuls, Isabelle et Auguste se regardent tendrement. Isabelle, comme tu as changé, mon petit Auguste. Ben, n'est-ce pas la vie? Je te reconnais à peine. Je vous ai reconnu tout de suite. Tes yeux ne sont plus les mêmes, ils se sont cernés, ils sont plus grands. C'est pour mieux vous voir, mon enfant. Tu t'es laissé berner tout à l'heure, il fallait leur répondre. Pourquoi n'as-tu pas répondu? Pour mieux vous entendre, mon enfant. Je ne suis pas le petit chaperon rouge, tu parles comme le loup. C'est bien mon tour, Isabelle. Alors c'est vrai, tu as souffert. Pas assez, j'aurais voulu faire mieux, mais... Ah, je me croyais le cœur moins sec. Plusieurs de tes amis m'ont dit t'avoir rencontré dans les bars. Oui. Tu aimes les bars? Oh non, on y voit que des garçons et des filles. Tu buvais? Enfin, j'avais toujours votre image devant les yeux, alors j'ai bu pour oublier. Ah? J'ai bu pour oublier, pour ne plus être obsédé de votre image. Hélas, quand j'étais sous, je vous voyais deux fois. Mon petit Auguste. Dites encore mon nom, dites. Auguste. Oh, c'est pas possible. Une fois encore, dites. Auguste. Vous m'aimez, j'en suis sûr. Vous pouvez mentir, maintenant vous m'aimez. Non. Vous ne m'aimez pas? Non. Dites, je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas. Auguste. Ah? Isabelle, où allez-vous? Je retourne dans le public? Mais je ne veux pas. Auguste. Avant de partir, je tiens pourtant à vous adresser mon adieu dans un petit couplet mélancolique. Il annonce avec une fausse gaieté. Petit couplet mélancolique. Mon amour est un train dont je suis l'unique voyageur. J'étais en retard, j'ai couru, j'ai beaucoup couru pour le prendre, et le train a déraillé. Isabelle, c'est ça le couplet? Oui. Je retourne dans le public, ça c'est le refrain. Ne partez pas, impossible. Je vous en prie. Alors Isabelle, voulez-vous jouer avec moi? Non. Nous allons compter jusqu'à trois. Voulez-vous jouer avec moi? Non. Un. Voulez-vous jouer avec moi? Non. Deux. Voulez-vous jouer avec moi? Oui. Bon. Il va à elle et l'embrasse longuement. Je vous aime, ma chérie, ma chérie. Isabelle, mon chéri. Auguste, n'est-ce pas que ce nom me va très bien? Isabelle, mon chéri. Auguste, vous savez très bien le dire. À moi. Mon chéri. Isabelle, encore. Auguste, non. Les mots ordinaires de l'amour sont trop pauvres pour exprimer ma passion pour toi. Je vous aime. C'est joli, mais est-ce que c'est pauvre? J'en sais de bien plus doux. Amaryllis, palétuvier, carburateur. Isabelle, vous êtes ridicule. Auguste, je suis ridicule. Et le ridicule tue l'amour. Bon, il essaie de le tuer. Mais l'amour essaie aussi de tuer le ridicule. Autant de balles sans résultat. Il ne meurt jamais tout à fait ni l'un ni l'autre. Alors, je suis ridicule? Oui. Et vous m'aimez? Oui. Ah, j'oubliais. Je sais escamoter les cartes maintenant. Isabelle. Tiens. J'ai appris, je sais. Voulez-vous? Isabelle, non, non. Bon. Alors, c'est vrai, tu as souffert. Auguste, oui. Tu pleurais? Auguste fait voir ses yeux qui sont plus grands. Ah, tu pleurais? Auguste, ben oui. C'est drôle, mais comment faisais-tu pour souffrir? Je pensais à toi. Tu te disais, elle est méchante, hein? Non. Tu ne me croyais pas méchante? Je disais, elle ne m'aime pas. Ça fait beaucoup souffrir? Je savais que tu me survivrais. Isabelle, alors nous allons être heureux maintenant? Il paraît. La joie ne te fait pas peur? Oh, je n'ai pas peur de mon ombre. Alors nous allons être heureux. Oui, et pour commencer, nous ferons un grand voyage. Hein? Auguste, c'est la coutume. On s'aime tellement les premiers jours, on est si heureux. On ne voudrait pas que ce grand bonheur-là décourage les petits bonheurs qu'on pourrait avoir par la suite. On ne veut pas qu'ils deviennent un reproche, tu comprends? Alors on va s'aimer quelque part, dans un coin du vaste monde, où l'on ne retourne jamais. Où irons-nous? Où tu voudras, tiens, par exemple, à Venise. Impossible. Pourquoi? Impossible, j'ai un contrat, j'y serai dans 3 ans, non? Non, je voudrais aller dans la forêt noire. Auguste, impossible. Isabelle, pourquoi? Il faut être poitrinaire pour comprendre ce pays-là. Oui, et puis tu n'es pas riche. Oui, ça aussi, je ne suis pas riche. D'ailleurs, je ne désire pas être riche. Je veux que quelque chose me reste cher. Isabelle, mon coco. Auguste, eh oui, ton coco. Mon poète, eh oui, ton poète. Parle-moi de la lune, dis. Oui, ben n'est-ce pas, la lune... Tu ne sais plus parler de la lune? C'est inutile maintenant. Il l'embrasse longuement. Auguste. Oh, Damel, tais-toi. Auguste, j'ai mal. Qu'as-tu? J'ai mal, je pense à quand je n'étais pas là. Tu as aimé quelqu'un pendant mon absence? Qui? Crockson? Raskas? Isabelle, très doucement, Monsieur Loyal. Auguste, qui exulte. Très drôle, ça c'est très drôle, hein, mon chéri, j'avais si peur, si peur. Monsieur Loyal, ah, ça c'est drôle. Il embrasse Loyal. C'est vous qu'elle aimait, cette petite. Je vous aime bien aussi, moi, vous savez. Isabelle, très grave. Je vous demande pardon, Monsieur Loyal, je pars avec lui, je crois que je l'aime. On ne peut pas vous aimer, vous. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Je vous demande pardon. Auguste, moins bruyant. Très drôle. Crockson désigne à sa montre. 5 minutes. Raskas, coussin. Isabelle, merci. Raskas et Crockson quittent leur veston, remontent leurs manches de chemise, donnent des signes bruyants de leur joie. Raskas, êtes-vous prêt? Ready. Auguste, mettez-vous là. Il lève le pied, Auguste, résolument. Ah non, non, non. C'est fini, ça. Non, non, inutile, fini. Crockson, fini? Elle-même, comprenez-vous? Non, fini. Vous l'aimez? Oui. Vous l'aimez, mademoiselle Isabelle? Oui. Crockson, mais alors moi? Fini. Gracias. Et moi? Fini. C'est moi maintenant qui botte les fesses. Il botte les fesses dans Raskas. Elle-même, comprenez-vous? Il lui rebotte les fesses. Enfoncez-vous bien ça dans la tête. Avant, je ne savais pas. À Crockson, mettez-vous là. Ne bougez pas. Le coup de pied au cul est la plus noble invention de l'homme. Il lui botte les fesses. Vous avez fait haut. Crockson, orgueilleusement. Je n'ai pas fait haut. Auguste. Elle-même. Il botte les fesses de Crockson. Ne bougez pas. Un paillasse est un homme sur qui on s'essuie les pieds. Il botte cette fois les fesses de Raskas. À Isabelle, n'est-ce pas, mon chéri? Isabelle vient à lui, je t'aime. Auguste, je n'ai pas très bien entendu ce que tu disais. Isabelle, je t'aime. Auguste. Alors Isabelle. Ils s'embrassent longuement. La musique attaque une valse lente. Pas de musique! Pas de musique! C'est un exercice périlleux! Très mollo, comme c'est la coutume au cirque, quand un acrobate risque sa vie. Isabelle et Auguste s'embrassent. Le roulement de tambour s'arrête. Mais le baiser n'étant pas terminé, il recommence. Raskas et Crockson s'éloignent sur la pointe des pieds. Auguste, relevant la tête un peu étourdi. Serait-ce mon heure? Isabelle, non, c'est la mienne. Elle le gifle. La musique attaque une marche. Ils sortent. Monsieur Loyal, qu'on avait cru jusqu'ici insensible aux extravagances des autres, s'écrie dans le cirque des airs. Et dire que j'aurais pu ne pas être de bois. Rideau.